Bonsoir tout le monde, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 640. Ah, j'ai pas le sous les yeux, 641, puisque je me suis trompé, j'ai amené la playlist de la saga de la semaine prochaine qui est déjà prête. Alors donc, nous en sommes au troisième best-of de Paul McCartney, ce qui, arrivé à 22h, vous fera 6 heures de best-of, et je peux vous le dire déjà, grâce à vous, ou à cause de vous, je ne sais pas, il y aura 2 heures de plus la semaine prochaine, donc vous aurez 8 heures de best-of Paul McCartney dans les dents, et vous allez voir que ça les tient tranquille. 8 heures de Paul McCartney pour vraiment se donner une idée d'une partie de ce qu'il a fait de meilleur. Voilà. Puisque je n'ai plus la playlist sous les yeux, eh bien, vous allez le découvrir au fur et à mesure. On l'a fait de manière chronologique. On commence en 1970 et on pousse jusqu'au dernier album actuel qui est l'album 3, sorti en 2020. Donc il y aura plein de chansons. On aura l'occasion d'en discuter ici et là. Pas trop, parce que comme je veux vous faire un bon best-of, je veux vous proposer un maximum de chansons. Et donc vous le retrouvez sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four, et puis on en parle. Paul McCartney rend son tablier, dit qu'il ne jouera plus avec les Beatles et propose son premier album appelé McCartney. Voici un extrait, Every Night, sur RIG. Every night I just wanna go out, get out of my head. Every day I don't wanna get up, get out of my bed. Every night I want to play out, and every day I wanna do. But tonight I just wanna stay in and be with you, and be with you. Wasting my time. Every night I lay on a pillow, resting my mind. Every morning brings a new day, and every night that day is through. But tonight I just wanna stay in and be with you, and be with you. Broken hearted jubilee. army blues, sleeping bags for two, sentimental jamboree. Aventure expérimentale que furent les albums solo de Lennon en compagnie de Yoko et ceux de George Harrison avant l'explosion du groupe ne préfiguraient en rien de ce que serait l'avenir de chacun d'entre eux une fois livrés à eux-mêmes et à leurs propres penchants. La principale curiosité que suscite cet album, explicitement appelé McCartney, réside dans le fait qu'il est le premier à être composé avec de véritables chansons comparables au travail habituel des Beatles. Paul est donc le premier à monter seul au filet, et en même temps, il s'affranchit officiellement du groupe. À sa sortie, le disque génère une semi-déception due en particulier à sa production très minimaliste, assimilable mais à tort à une forme de pauvreté, comparée à la sophistication extrême du récent Abbey Road. C'est reclus et en secret que Paul entreprend l'essentiel de ses enregistrements dans le studio de sa maison de Cavendish Avenue à Londres, entre décembre 69 et janvier 70. Très profondément abattu par la fin d'un groupe qu'il tenait pourtant à bout de bras depuis quelques années, il s'est remis au travail sous l'influence de sa femme Linda, qui désespérait de voir son mari taquiner la bouteille plus que de raison. Avec un studeur 4 pistes seulement et un micro, McCartney s'attelle à élaborer quelques chansons piochant dans ses carnets, une poignée de titres écartés des disques des Beatles et même d'autres beaucoup plus anciens. Il joue seul de tous les instruments, basse, piano, guitare, batterie, xylophone, orgue, mélotron, et Linda l'accompagne juste pour y ajouter une pincée de ses harmonies vocales. Cette approche volontairement artisanale, sorte de retour aux sources, est une forme de thérapie créative à laquelle Paul aura souvent recours chaque fois que des événements douloureux l'amèneront à remettre les compteurs à zéro. Ce disque, c'est un peu lui contre le monde entier, et à un moment donné où il se sent stigmatisé d'être celui qui a le plus pleinement endossé la fin des Beatles. La presse musicale lui en fait manifestement grief et réserve un accueil en demi-teinte à ses premiers pas en solo. Le public, en revanche, plébiscite massivement l'album et le propulse en tête des ventes. Il s'en écoule très vite 2 millions d'exemplaires. S'il est objectivement plutôt inégal, McCartney recèle néanmoins quelques purs moments d'excellence tels que le délicat Junk qu'on vient d'écouter, une version chantée et une autre instrumentale, et Teddy Boy, deux titres déjà enregistrés avec les Beatles sans être finalement retenus. Ou encore la balade Every Night, qu'on a entendue en début d'émission, du McCartney 100% pur sucre. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet album. We're so sorry, Uncle Albert. We're so sorry if we caused you any pain. We're so sorry, Uncle Albert. But there's no one left at home. So sorry, Uncle Albert. pie. That's a pie. The butter won't melt, so put it in the pie. All right. All right. Nous sommes en 1971 sur l'album Ram. Uncle Albert's Admiral Astley est composé de plusieurs fragments de chansons inachevées que Paul a assemblées d'une manière similaire au medley de l'album Abbey Road des Beatles en 1969. La chanson est remarquable pour ses effets sonores, y compris les sons d'un orage entre le premier et le deuxième couplet, le son de la voix McCartney avec un effet téléphonique entendu après le deuxième couplet et le son de la mer où chantent les oiseaux et le souffle du vent sur la plage. La voix de Linda est entendue dans les harmonies ainsi que dans la section du pont de la partie Admiral Astley de la chanson. Paul a dit que Uncle Albert était basé sur son oncle. C'est quelqu'un dont je me suis souvenu avec émotion. Et quand la chanson arrivait, c'était comme une sorte de nostalgie. Il a également déclaré que j'avais un oncle, Albert Kendall, qui était très amusant. Et quand je suis venu écrire Uncle Albert Admiral Astley, c'est vaguement à propos de cette génération plus âgée et je me demandais que penserait-il de la façon dont ma génération fait les choses, jour d'actualité. C'est pourquoi j'ai écrit la ligne « Nous sommes tellement désolés, oncle Albert ». Paul a également dit à un journaliste américain « Quand l'amiral Astley, c'est l'un des vôtres, un amiral américain ». Se référant à l'amiral de la flotte William Bull Astley, 1882-1959. Paul a décrit l'oncle Albert de la chanson comme une excuse de sa génération à l'ancienne et l'amiral Astley comme une figure autoritaire qui devait être ignorée. Voilà ce qu'on pouvait savoir sur cette chanson. Dear friend, what's the time? Is this really the borderline? Does it really mean so much to you? Are you afraid? True. Well, the rain exploded with a mighty crash. trois sites à consulter pour tout savoir sur les Beatles, deux français et un anglais. Le premier, c'est macaclub.com. Il existe un forum, bien sûr, sur le net et un site complet sur Facebook. Le second se nomme yellowsub.net. Il y a aussi un forum sur le net et une page Facebook très complète. Et pour le troisième, c'est un site anglais, celui de Lovely Rita. Si vous voulez tout savoir sur nos quatre amis de Liverpool, avec un forum et un site sur Facebook également, des millions de visiteurs réguliers, ce site recense aussi les personnes connues par Lovely Rita qui animent une émission sur les Beatles, dont nous, la saga des Fab Four. Alors n'hésitez pas, beatlesmagazine.com, c'est le site qu'il faut consulter. Nous sommes en 1973 et Paul McCartney revient au top avec cet album Ben on the Run. Je vous conseille de lire, si vous le souhaitez, une bande dessinée vraiment très très bien faite qui s'appelle La Résurrection de James Paul McCartney 1969-1973. Vraiment, c'est très très intéressant et ça montre que, enfin, en 1973, Paul McCartney redresse la tête et se dit « Je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de capable de faire quelque chose de bien. » La preuve, avec cet autre extrait de l'album Ben on the Run, il s'appelle 1985. Il imaginait en 1973 qu'il n'y aurait plus personne de vivant en 1985. C'était un petit moment quand même déjà, et finalement il s'est trompé. Mais néanmoins, la chanson est superbe. Vous êtes sur RIG 90.7, www.rigfm.fr. C'est la saga des Fab Four et c'est un spécial encore, le troisième, de Paul McCartney. On enchaîne sur une autre chanson, puisque dans les années 70, ils aimaient bien faire ce genre de truc-là. Ben c'est plutôt sympa, hein, d'ailleurs, moi j'aime bien. Donc c'est Paul McCartney, écoute ce que le mec dit. En fait, l'homme, écoute ce que l'homme dit. Listen to what the man said. Tiens, ben justement, ce soir, vous allez écouter ce que dira l'homme, justement, dans une heure et quart à peu près. Évidemment, vu ce qui s'est passé ce matin, on a appris le décès de Philippe Labreau, auteur, compositeur, journaliste, dialoguiste, bref, homme touche à tout et puis qui réussissait tout. Il a composé pour Johnny Hallyday et donc Eric n'a pas hésité à bouleverser ses programmes. Il avait déjà prévu une émission, il a tout changé, il s'en est occupé cet après-midi, entre autres, parce que j'étais présent à côté de lui, donc je le sais. Il vous propose une émission hommage à Philippe Labreau. Ce sera ce soir, à 22h, on essaiera de rendre l'antenne un petit peu plus tôt. Ah, ça sonne. Trop facile. Let them in sur RG 90.7, la radio des Beatles. At the door, somebody ringing the bell. at the door. Somebody's ringing the bell. Do me a favor, open the door and let him in. Ooh, yeah. Someone's knocking at the door. Somebody's ringing the bell. Someone's knocking at the door. Somebody's ringing the bell. Do me a favor, open the door, I let them in. Yeah, let them in. Conseille d'écouter ces titres-là, Let Them In, Beware My Love, qu'on écoutera peut-être une prochaine fois en live sur l'album Wings Over America. Vraiment, ça vaut vraiment, vraiment le coup d'oreille. Nous passons en 1978 dans la Ska des Fab Four, numéro 642. Ouais, ouais, je crois. Je sais plus. Bref, en 1978, avec ce titre, alors c'est pour moi. C'est pour moi, je vous l'offre. C'est c'est Backwoods Traveler et Cufflink. J'adore ces deux morceaux l'un sur l'autre, c'est superbe. Hey, did you know? Thank you. snow falls in the winter. Spring brings the rain, but it's never too long before the summer comes again. It always comes again. Love away. C'est la saga. C'est la saga. C'est la saga. Les papas. Hello, this is Paul McCartney. After the bomb, after the bomb, you were the one out in the hall. You were the one who would love me after the bomb. Quelle beauté, quel album extraordinaire qui est Back to the Egg en 1979, présent dans la saga des Fab Four, d'abord dès le début puisque le générique est pris de cet album, l'album Back to the Egg. On attend le coffret, Paul, s'il te plaît. Un coffret Back to the Egg, ce serait Ce serait génial. Voilà. Merci pour le cadeau et nous arrivons en 1980. 10 ans, pas tout à fait, mais presque 10 ans de Wings. Et puis on a fait les Beatles jusqu'en 70. Pourquoi pas s'arrêter en 1980? C'est pas pour ça, hein. Il a pas pris l'idée pour ça, c'est parce qu'en fait, il a aussi fait une tournée qui a été avortée au Japon parce qu'on a retrouvé de l'herbe qu'il ne faut pas fumer dans ses affaires. Et puis donc tout le monde finalement a dit « Oh ben moi je m'en vais, oh ben moi je m'en vais ». Et il s'est dit « Bah puisque c'est comme ça, ce sera McCartney tout seul à partir de maintenant ». Je schématise, hein, d'accord. Donc, premier album, McCartney 2. Il attendra 40 ans pour faire le McCartney 3 en 2020. Mais même si cet album à nouveau fait chez lui tout seul ou presque est un petit peu il manque quelque chose, il y a quand même de très très bonnes chansons dedans, comme celle-ci par exemple, One of These Days sur RIG. One of these days when my feet are on the ground I'm gonna look around and see what's right, see what's there, and breathe fresh air ever after. One of these days, when a job just takes too long, I'm gonna say Vous êtes bien sur RG 90.7, c'est la saga des Fab Four numéro 641. Le troisième best-of de Paul McCartney, il y en aura un quatrième la semaine prochaine, ce sera vraisemblablement le dernier, même si la fois d'après on arrivera le 18 juin, donc quasiment à la fin de la saga de cette année. Mais on fera peut-être un truc en rapport avec Paul McCartney quand même. J'ai une idée derrière la tête que je suis en train de développer, puisque j'ai malheureusement pour moi beaucoup de temps actuellement à la maison. Donc je fais ça pour vous, mais pour l'instant on n'en est pas encore là. Tout à l'heure, Eric, quand il viendra faire son job de A à Z, il a bien évidemment complètement déprogrammé l'émission qu'il devait faire ce soir pour rendre hommage à Philippe Labro qui a disparu aujourd'hui à l'âge de 88 ans. Nicole Croisil aussi, mais je ne pense pas que Nicole Croisil ait un rapport quelconque avec Johnny Hallyday. Il nous le dira certainement s'il y a eu quelque chose, s'il y a eu des duos, des ceci, des cela. Je dois avouer que je ne sais pas. En 1982, sur l'album Tug of War, il y a deux duos avec Stevie Wonder, puisque c'est l'une des personnes que Paul McCartney admire, mais oui, ça peut arriver. Il a fait une chanson Ebony and Ivory, qui est plutôt, on va dire, du style McCartney. Et une autre chanson qui n'a pas été rendue commerciale, bien qu'elle soit vraiment très très bien, qui, selon moi, est plutôt du style de Stevie Wonder. Dans les deux cas, Paul McCartney, évidemment, est absolument génial. Ce qui est amusant, si vous allez lire les commentaires sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, c'est que il y a constamment des titres comme ça. Oh, celle-là, elle est merveilleuse. Oh, celle-là, elle est merveilleuse. Oh, celle-là, elle est merveilleuse. Mais oui, c'est ça, Paul McCartney. Voici What's That You're Doing, un bon morceau dansant. On va dire un petit peu du côté de Stevie Wonder, mais McCartney est là, tout près. Hello. Good morning. Good morning. Oh, good afternoon. Good night. Good night. Montez le son, c'est érigé, c'est la saga des Fab Four. Taking you just fast.

C'était Through Our Love sur RG dans la saga des Fab Four. On va se déplacer rapidement maintenant parce que le temps passe vite et dans un peu plus de 35 minutes, ce sera Eric et son émission spéciale sur Philippe Labro. And if you take your love away. Comme je vous le dis à chaque fois, même sur un album prétendu faible de l'un des quatre, John, Paul, Ringo ou George, il y a toujours des perles. Ici, cet extrait de l'album Press to Play en 1986, il paraît que c'est un album faible de Paul McCartney. Moi, je l'aime bien. Il y a de très très belles chansons comme celle-ci, celle qu'on vient d'entendre, Only Love Remains, qui est un slow comme on n'en fait plus, hein, monsieur, dame. C'est bien dommage qu'on n'en fasse plus des slows comme ça. Et il y en a d'autres chansons, il y a notamment une chanson que je vous conseille, que je passerai peut-être bientôt, on sait jamais, c'est However Absurd,

Cette chanson ne ressemble pas à ce qu'il aurait pu faire du temps des Beatles, parce que c'est les traits Beatlesques. Est-ce qu'on dit Beatlesque? Enfin, très belle chanson, Come On People, sur l'album Off The Ground en 1992. Quelques albums parce qu'on n'aura jamais le temps. Donc nous arrivons en 2005 avec cette chanson. Paul McCartney prend le thé avec une vieille dame. English Tea, vous vous en souvenez ? La voici la chanson.

McCartney est un génie. C'est un caméléon qui peut faire n'importe quel style. Et il le prouve à longueur d'année depuis 1960. Voici, en 2013, New, complètement différent du précédent. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Then we were new. Ooh. You came along and made my life a song. One lucky day, you came along. Just in time, while I was searching for a ride, you came along, then we were new. Ooh. We can do what we want. Live as we choose. You see, there's no guarantee. We've got nothing to lose. Don't look at me. I can't deny the truth. It's plain to see. Don't look at me. All my life, I never knew what I could be, what I could do. We've got nothing to lose. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life, I never knew what I could be, what I could do. Started.

une dernière chanson, extrait de son dernier album en date, Seize the Day. Ça aurait pu sortir du temps des Beatles. Le pont fait très Beatles. I prefer to think twice. All I know is it's quite a show, but it's still alright to be nice. Yankee toes and Eskimos, content, frozen ice. When the cold days come and the old ways fade away, there'll be no more sun, and we wish that we had held on to the day. Seize the day. I'm okay on a sunny day when the world deserves to be bright. Dinosaurs and Santa Claus will stay indoors tonight. When the cold days come and the old ways fade away, there'll be no more sun, and we wish that we Fédé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier Best of Paul McCartney. Ça fera 8 heures de Paul McCartney. Vraiment bien pour votre collection quand même. Merci qui ? Merci Paul McCartney, bien entendu. Maintenant, c'est Eric. Eric pour Johnny de A à Z, un spécial Philippe Labreau. Merci. no!